RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Salut à toutes et à tous, il est 12h11, vous écoutez RMC. Je vous souhaite la bienvenue dans Motors, le rendez-vous des passionnés de sport mécanique avec un programme lourd aujourd'hui avec bien sûr le rallye du Mexique et Sébastien Loeb qui va bien. On va en parler dans quelques secondes. Il y aura aussi de l'endurance avec les premiers tests officiels des Le Mans Series. Nous en parlerons avec Hugues Deschenac, Olivier Panis et puis avec Jacques Nicolet, le boss Doc Racing. Et puis de la moto aussi avec cette semaine les premiers tours de roue des fameuses Moto 2 à Valence et puis le début de saison de la WTCC au Brésil. Enfin bref, voilà pour le menu. On attaque tout de suite avec le rallye du Mexique et je vous le disais, Sébastien Loeb qui va bien et pour en parler, Philippe Bugalski. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Alors Philippe, vous êtes ancien pilote, vous travaillez aujourd'hui au développement des Citroën. Sébastien Loeb est en train de réaliser ce qu'il avait annoncé avant le départ de cette deuxième épreuve de la saison. Il se devait de gagner pour ne pas laisser filer Hirvonen, vainqueur en Suède, et c'est ce qui semble se réaliser. Eh bien oui, Sébastien, donc à l'issue de la deuxième étape, est en tête avec une avance confortable, on va dire. Hirvonen... Il est relégué après 2 minutes. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Bah, les positions sur la route d'hier, enfin de la première journée, ont été un peu compliquées, dues à beaucoup de poussière, de terre mobile qui, bah, il fallait balayer beaucoup. Et puis on s'est aperçu que des garçons comme Peter Solberg ou Sébastien Ogier, aux avant-postes, bah, grâce à leur talent, mais aussi à leur position sur la route. D'accord, donc ils s'en sont mieux sortis, mais belle réaction de Sébastien Loeb. C'est vrai qu'il n'était pas trop patient d'affaires lors de la première journée, mais qui, lors de la deuxième journée, hier, a été impérial. Oui, complètement. Bah, c'est là où on voit les grands champions, c'est-à-dire rester justement calme dans la première journée, même si on sait qu'on perd beaucoup de terrain, mais il faut être toujours là, essayer d'en perdre le moins possible pour rallier cette arrivée de la première étape. Et puis ce qu'il a fait hier, sa position de course sur la route l'a permis de remonter et de dominer vraiment la deuxième étape et être très bien pour aborder cette troisième qui va démarrer bientôt. Exactement, on fera le point d'ailleurs tout à l'heure, hein, avec Eric Briquet en fin d'émission pour avoir les dernières nouvelles les plus fraîches avant le départ de cette troisième étape. 55 secondes d'avance pour Sébastien Loeb devant Peter Solberg, une avance confortable, hein, on l'a dit. Alors quelle peut être la tactique employée par Loeb et Elena avant les trois dernières spéciales du jour? Moi, je pense qu'il est assez fort pour ce genre de situation. Bon, c'est toujours difficile de bien gérer une avance confortable comme ça, parce que dans la tête, ben, on s'imagine plein de trucs, on pense à la victoire, mais il faut rouler quand même sur un certain rythme pour rester concentré et ne pas faire de faute. Mais bon, je pense qu'il est habitué à ce genre d'exercice. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être la petite bagarre pour la deuxième place entre Sébastien Ogier et Peter Solberg, puisque je crois qu'il y a moins de 5 secondes, 3 secondes. Il y a 3 secondes, ouais, c'est ça, 3 secondes et quelques. Ouais. Donc ça va être sympa, mais bon, ce qu'il faut surtout, c'est ramener les 3 Citroën sur le podium, ça serait génial, et ne pas faire de faute après, quelle que soit la deuxième ou troisième place, ça serait une Citroën. Alors, petit bémol pour Citroën, qui pour l'instant occupe les 3 premières places du classement général, c'est l'abandon de Dani Sordo, qui était 4e avant de casser sa suspension. Oui, un départ hier lors de la deuxième étape, donc une suspension et un triangle arraché, et là qui le contraint à repartir en super rallye, bah c'est dommage pour Dani, parce que bonne première étape, lui aussi en gérant au mieux possible le balayage de la route. Il avait fait un excellent rallye de Suède, où là il était vraiment aux avant-postes, et puis bon, bah ça c'est la course, malheureusement, le rallye, et là il est contraint à cet abandon et repartir en super rallye aujourd'hui. Alors Philippe, aujourd'hui, je l'ai dit en ouverture, vous êtes ancien pilote, aujourd'hui vous êtes en charge de la préparation des voitures chez Citroën, vous vous occupez donc de ce qu'on appelle le déverminage. Alors le déverminage, c'est quoi exactement? Oh, c'est pas mal de choses, tout ce qui se passe en amont des courses, entre le moment où les pilotes ont décidé de leur setup de départ et puis la course, donc les voitures sont préparées à l'atelier. Et c'est moi qui donne, en gros, le dernier coup de tampon avant qu'elle parte au Mexique ou qu'elle parte en Suède ou je ne sais où, pour savoir si tout correspond bien ou qu'il y ait des charges définies par les pilotes et les ingénieurs. Donc voilà, c'est un travail de responsabilité, parce qu'il faut valider tous ces points-là. Mais ça passe aussi bien par le casque de Sébastien Loeb que sa bande de vitesse, que ses freins. voilà, c'est un ensemble de choses que je dois valider avant le départ des courses. Donc c'est toujours intéressant parce que ça fait partie aussi du développement, du ressenti de la voiture. Et voilà, donc je fais beaucoup de kilomètres avec ces magnifiques voitures. Alors vous vous occupez donc de préparer les voitures des pilotes. Qu'est-ce qui a changé principalement entre la neige de la Suède et la terre du Mexique? Bah, chaque course est différente en fonction de la surface. Donc c'est sûr qu'une course sur la neige ne se prépare pas comme sur la terre ou vice-versa. Et encore moins comme sur l'asphalte. La base reste la même. Hein. C'est une voiture, une C4 WRC. Et après, on travaille sur beaucoup la liaison au sol, sur les différentiels aussi. Donc voilà, c'est en fonction du vertical que l'on peut rencontrer sur le terrain, même sur la terre. Donc on a différents niveaux de setup entre une terre très roulante comme on pourrait trouver en Finlande. Les voitures ne sont pas réglées pareil que pour le Portugal ou le Mexique. Donc voilà, c'est des essais que l'on fait en amont de tout ça. On prépare les courses en fonction du terrain qu'on pense retrouver, puisque les essais Mexique ne se font pas au Mexique, pour réduire bien sûr les coûts. Donc on va plutôt sur des terres espagnoles. Et en fonction de ce que l'on voit, eh bien, on décide de partir avec tel ou tel setup. Et puis après, qu'on modifie un petit peu au fil des spéciales, en fonction de l'évolution du terrain, entre la pluie, les ornières, la poussière, pas la poussière, enfin voilà. Donc, mais bon, chaque course est vraiment différente et chaque voiture est différente à chaque fois. Oh, c'est très très intéressant tout ce que vous nous racontez, Philippe. Tiens, vous, l'ancien compétiteur, je vais vous poser une dernière question avant de vous libérer. Raikkonen, allez-y. Vous y croyez? Raikkonen est un excellent pilote de Formule 1. Et... certes. Et voilà, donc, mais le rallye, bah, ça reste une voiture, quatre roues, un volant. Et bah, c'est pas parce qu'on est champion du monde de Formule 1 qu'on est capable d'être champion du monde du rallye, vice versa, ça marche dans tous les sens. Moi, souvent, je fais un petit parallèle avec le ski. Le ski, et bah, c'est deux planches, de la neige, de la descente. Mais il y a des skieurs qui sont forts en slalom et qui ne sont pas forts en descente, et vice versa. Donc voilà, c'est chacun son truc. Philippe, merci infiniment de nous avoir apporté votre regard de spécialiste sur ce rallye du Mexique et puis sur la façon de préparer cette fabuleuse C4 pilotée de main de maître par Sébastien Loeb. Je rappelle que le championnat du monde WRC, c'est bien évidemment à suivre sur RMC, mais également sur Motors TV. Philippe, merci infiniment et puis je vous souhaite un très bon dimanche et une belle réussite cette saison encore avec Citroën. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup, allez, on trouvera en fin d'émission Eric Briquet qui sera en direct du Mexique pour les dernières infos avant les toutes dernières spéciales. Avant cela, on marque une petite pause avant de prendre la direction du Castellet. À tout de suite. RMC Motors avec Motors TV. Vivez la passion du WRC avec les lubrifiants Total Activa. La performance au service de votre moteur. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Il est 12h22, Motors reprend son cours avec, je vous le disais tout à l'heure, direction le Castellet, dans la Sarthe, avec les premiers essais officiels, les premiers tests officiels des Le Mans Series. Et avec nous, quelqu'un de particulièrement concerné par ces journées, eh bien, c'est bien évidemment Hugues de Schonach, le patron du team Oreca Matmut. Bonjour Hugues. Bonjour, à tout le monde. Vous allez bien ? Bien. Bon, alors, c'est vous qui tenez la vedette ce week-end avec cette fameuse Peugeot 908 HDI FAP. Ben écoutez, la vedette, en tous les cas, on est là pour continuer à découvrir cette voiture, qui est une voiture assez extraordinaire. Et puis, c'est quand même la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Donc, dans l'endurance, c'est vraiment actuellement la meilleure voiture. Et si je faisais une comparaison, ben c'est un petit peu comme si on nous confiait, si nous étions en Formule 1 et qu'on nous confiait une Ferrari. Je dirais que c'est une responsabilité et un challenge qui sont très excitants et en même temps sur lequel on doit garder bien les pieds sur terre pour l'aborder avec beaucoup d'humilité, mais une motivation énorme. Alors, on reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, Hugues, de cette collaboration avec Peugeot, de cet accord que vous avez trouvé. Là, on va plutôt parler de la présentation d'hier. On imagine la sensation qui a été la vôtre au moment de découvrir la Peugeot aux couleurs du team Oreca Matmut. Mais oui, ça a été une grosse surprise, évidemment. Et puis pour nous, toujours beaucoup d'émotions. Une surprise parce que le concept de Oreca en prototype depuis que nous sommes arrivés en LMP1, dans la catégorie LMP1 en 2008, c'est d'adapter le concept Mondrian, du célèbre peintre Mondrian, avec toutes les couleurs, et de l'adapter aux lignes de la Peugeot, qui sont, c'est une voiture fermée assez, évidemment, aux lignes superbes, et donc ça a été la découverte de l'adaptation du concept Mondrian sur la Peugeot. À vos côtés, je crois qu'il y a Olivier Panis, je ne m'abuse. Olivier Panis, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon alors, pour vous, ça se passe comment ? Je viens de parler de l'émotion de la découverte de cette 908 aux couleurs du team Oreca Matmut. Vous avez roulé déjà dans cette Peugeot ce matin ? Oui, j'ai déjà fait une trentaine de tours dans la Peugeot ce matin. Donc c'est vrai, c'est une grande émotion pour le team. D'une part, c'est beaucoup de nouvelles choses qui se préparent pour nous. On a une Peugeot qui a gagné les 24 heures du Mans. Hugues a tout fait pour que ça se passe le mieux possible. Je crois que c'est surtout lui qu'il faut remercier pour tout ça. Et maintenant, il nous a fait confiance, donc c'est à nous de faire le travail. Donc on travaille beaucoup, on essaye d'utiliser cette voiture au mieux. Elle est magnifique, donc maintenant, à nous de faire le job et à nous de faire les résultats. Alors, quelles sont les conditions météo là pour cette première journée de test ? C'est pas vraiment idéal ? Le vent, le froid ? Ils m'ont fait commencer parce que vu que je suis habitué au trophée Andros, je pense que la neige va pas tarder, donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait démarrer. Non, mais il fait froid, il fait très très froid. Il pleuviote un peu, donc c'est évident. C'est dur à faire chauffer les pneus, mais bon. Je crois que c'est pour tout le monde la même chose, donc on n'est pas là pour se plaindre, on fait avec les conditions qu'on a. De toute façon, on pourra rencontrer ça dans une course un jour ou un autre, donc on travaille malgré tout, c'est pas évident, mais on fait le travail. Alors, quand on découvre une voiture comme vous êtes en train de le faire, qu'est-ce qu'on travaille en priorité ? On travaille déjà, on essaye de bien comprendre tout ce qui se passe dans la voiture, comment l'utiliser au mieux. Bon, c'est vrai qu'on a fait une grosse séance d'essai avant celle-ci, avec la Peugeot. Donc on part un peu dans un terrain connu. Donc aujourd'hui, on essaye d'optimiser la position de conduite, d'utiliser la performance de toute l'électronique qu'il y a sur la voiture, parce que c'est une voiture vraiment superbe. C'est pas qu'un moteur, comme beaucoup disent. C'est une électronique, c'est une boîte de vitesse, un concept qui me rapproche et que je connaissais déjà en Formule 1, donc c'est super excitant en tout cas pour moi et les pilotes. Et puis la voiture est super agréable à conduire, donc je crois que c'est surtout s'acclimater à l'environnement et puis surtout que ce soit une voiture fermée, donc le visuel est différent, mais bon, en général ça se passe bien pour les trois pilotes. Alors justement, vous venez de dire un trois pilotes, il y a un ancien, j'ai pas dit vieux hein, Olivier, hein. C'est vous. Tu peux, parce que vu les deux jeunes qui y a à côté de moi, voilà. Donc, pas de problème. Et deux plus jeunes, Nicolas Lapierre et Loïc Duval. Alors comment ça se passe cette collaboration avec trois pilotes ? Ils ont soif de ton expérience, j'imagine, de te poser des questions. Non, je crois que c'est vraiment, Hugues a fait confiance aux pilotes qu'il avait, et puis Loïc a déjà fait le Mans avec nous il y a 2 ans. Loïc, c'est autant Loïc Duval que Nicolas Lapierre, pour moi, c'est deux super talents français. Donc de rouler avec eux, c'est hyper excitant. C'est vrai que bon, je suis plus âgé, on va pas dire le vieux, je suis plus âgé, mais ma motivation, elle est toujours intacte. Sans prétention, je pense que j'ai encore des capacités à faire des choses pas mal. Et par rapport à l'expérience que je peux leur amener, l'ambiance, et puis bon, c'est la complicité surtout qui fait le résultat dans ces courses d'endurance. Et vraiment, on s'entend tous les trois super bien. Je crois que voilà, il faut les aider. Je crois que c'est l'avenir de l'endurance, ces pilotes. En tout cas, ces deux jeunes ont du talent. Donc voilà, il faut essayer de les faire grandir. Mais pour l'instant, ils me poussent dans mes derniers retranchements aussi. Donc c'est hyper excitant pour tout le monde. Eh ben écoute, merci infiniment Olivier pour ce témoignage. J'imagine que tu es très sollicité, que tu as encore des tours à faire. Donc merci infiniment d'avoir pris quelques minutes pour témoigner, voilà, de ces premiers tours de roue au volant de la Peugeot 908 HDI FAP. Et puis bonne fin de test pour toi. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Et Hugues de Chonac, est-ce qu'il est encore là ? Oui, Hugues, il vous êtes là, toujours. Il est encore là, tout bon, à fait. Merci aussi beaucoup à vous. On vous retrouve tout à l'heure, si ça vous est possible, en début de deuxième heure, pour continuer à parler un petit peu de cette Peugeot, de ses tests et des ambitions du team Oreca Matmut. Tout à fait. C'est possible. Pas de problème, très volontiers, à tout à l'heure. Eh bien, c'est génial. Merci infiniment. Merci. Allez, il est 12h28, on marque une nouvelle petite pause avant de retrouver le journal de la F1 avec les mousquetaires. Eh bien, on se retrouve tout de suite juste après ça. RMC Motors, avec Motors TV, Xavier Richefort. Il est 12h32, c'est l'heure du journal de la F1 que vous propose Motors chaque dimanche en compagnie de Patrick Tambay, Jean-Luc Roy et Antoine Arlot. Bonjour messieurs, alors là j'attends une réponse collégiale. Allez-vous bien tous les trois? Ah ça va très bien. Allez, super. Bien. Ouais, nickel, ça roule. Magnifique, merci messieurs, vous êtes tous là, fidèles au rendez-vous. Tiens, j'ai une petite info pour vous Patrick et Jean-Luc, il y a Antoine qui est arrivé dans le studio avec une combinaison magnifique. J'ai fait une séance d'essayage. Une séance d'essayage. Bon, va falloir qu'il mange un peu de choucroute, de paella et tout ça parce qu'il flotte un peu dedans. Mais bon, ça a fait son petit effet quand même. Antoine, comment va ton anglais? Est-ce que tu as fait de la salle de fitness cet hiver? Écoute, ouais, un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand j'ai essayé la combinaison, je me suis rendu compte que c'est pas suffisant. Hein. C'était pas la mienne de l'an dernier quand même. Et il me semble que si en plus. Non, tu dois nager un petit peu, il va falloir faire des retouches. T'imagines? Faut manger de la soupe. Bon, on peut en mettre deux ou trois comme moi dedans, donc c'est bon. Oh voilà, le pauvre. Bon messieurs, on est à une semaine du premier Grand Prix de la saison. Je vous imagine dans vos starting blocks. Alors on va prendre des nouvelles, hein, des dernières nouvelles. Avant l'ouverture de la saison sera à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Un circuit, Patrick, que ne connaîtra pas USF1. Un premier commentaire sur le retrait de l'écurie américaine. Je vais commencer par dire no comments. Bon, ben ça commence bien. Non, mais c'était un coup que l'on voyait venir de très très loin. Et il y en a des plus compliqués. Je pense qu'on va pas parler de ceux qui sont dans la deuxième division, Xavier, si ça ne te dérange pas, parce qu'il y a tellement de belles choses à raconter sur ce qui se prépare. Il y a des équipes qui sont en difficulté financière, technique. Pour exemple, Campos, remanié, renommé maintenant Hispania, n'aura même pas testé. Donc c'est vraiment très très difficile pour eux. Pour Lotus, pour Virgin, c'est aussi également le parcours du combattant pour être prêt à temps. Donc bon, écoute, si on aurait bien aimé voir une équipe nord-américaine, mais ça sera peut-être en 2011, mais rien n'est moins sûr. Alors peut-être que Jean-Luc va être un petit peu plus disert sur la question. Oh, je n'en doute pas. Qu'est-ce qui a manqué aux Américains pour être opérationnels? Parce que quand les Américains ils se lancent dans quelque chose, généralement ils vont au bout et là, pof, ça a coincé. Ben oui, écoute Xavier, je crois qu'effectivement, on a fait un peu de l'acharnement thérapeutique, comme l'évoquait Patrick. C'est évident que là, les fondateurs Ken Anderson et Peter Windsor ont eu raison de se lancer là-dedans, à l'évidence, il y a un an. Ils n'ont pas trouvé les soutiens financiers aux États-Unis. Malheureusement, moi, ce qui m'embête plus aussi, c'est que c'est un peu un constat. La Formule 1 ne mobilise pas aux États-Unis, c'est parfaitement clair. Je crois que tous les deux avaient l'expérience et la compétence et les contacts pour y parvenir. Si on n'arrive pas à trouver des budgets aux États-Unis pour faire une équipe de F1, bah, c'est que la F1, on le sait, qui n'est plus aux États-Unis, bah, ne mobilise pas là-bas. Voilà, c'est un constat un peu plus large, c'est que la F1 aux États-Unis, ça a marché. Malheureusement, pour le moment, ça ne marche plus. Ça reviendra peut-être. Bon alors, pas du SF1, Stéphane GP, l'écurie serbe n'a pas été repêchée par la FIA. Il y aura donc 12 écuries cette saison au départ, c'est malgré tout 2 de plus que l'an dernier. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Tiens, on va poser la question à Antoine. Alors est-ce que c'est bien? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est comme le disait Patrick, là il y a deux groupes, hein, les deux nouvelles écuries, donc Hispania et Virgin Racing, c'est vraiment elles sont toutes seules, elles étaient à 4 secondes lors des essais alors que les autres écuries se tenaient en une seconde. Donc c'est vraiment c'est leur compétition à eux quoi. Patrick, pour ce premier Grand Prix de la saison, on peut s'attendre à quoi? Est-ce qu'il y en a selon toi qui ont pris un petit peu d'avance sur les autres? Bien, il y a eu des répétitions générales, il y en a certainement qui sont comme Ferrari, comme McLaren, comme Mercedes, comme Red Bull peut-être à moindre fait bien préparé. Qui ont fait des simulations de course, simulations de départ, simulations de ravitaillement, simulations de qualification. On a vu à l'issue de la dernière journée d'essai à Barcelone où toutes les équipes la fin de la matinée, au moment où c'était vraiment le moment où on se rapprochait le plus des conditions de comparaison de la qualif, eh bien on les a vus faire des séries, des tours très très rapides, très légères en essence, et on a vu que tout le monde, enfin un grand nombre de monoplaces, se tenaient à très très peu de choses. Donc il va y avoir une rivalité sportive, technique, intense, tant d'une écurie écurie à l'autre qu'en interne d'un pilote à l'autre. C'est, je crois que je n'ai jamais vécu ce genre d'avant-saison. J'espère qu'elle sera aussi prometteuse qu'elle semble nous le faire savoir maintenant, nous le présager. Jean-Luc, on va parler de Renault, tiens, qui a signé cet accord, un accord avec Lada. L'intérêt de cet accord, c'est quoi? C'est purement stratégique pour Renault, commercialement parlant? Alors, ou est-ce que ça a un intérêt sportif? Oui, bah écoute, je me mets d'abord dans le sillage de Patrick, j'essaie, hein, il va beaucoup plus vite que moi. Encore? Bah oui, j'en rajoute une petite louche. Il y a 17 pilotes en moins d'une seconde, si on prend la grille virtuelle de Barcelone, et ouais, je renvoie évidemment... Et ouais, je renvoie aux colonnes de notre excellent confrère Auto Hebdo, évidemment, avec Patrick Camus et Jean-Michel Desnoux. 17 monoplaces, tiens-toi bien, en moins d'une seconde. Ça veut dire qu'il y a la deuxième catégorie, et malheureusement, et je réponds à ta question, bah dans cette deuxième catégorie, il y a Renault, et pas qu'un peu, parce que pour le moment, ils sont loin, loin du compte, hein, ils sont entre 2 et 3 secondes des temps des plus rapides. Alors, tu me parles de cet accord avec Lada, bah c'est vrai qu'on peut même faire de l'humour, hein, là-dessus, parce que voir Renault avec la marque... Bah oui, non, mais je vais pas commencer, mais voir Renault avec la marque Lada, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Alors d'où vient cet accord? Bah il vient évidemment de Vitaly Petrov, le deuxième pilote russe que l'on a recruté. Voilà, Petrov qui d'ailleurs fait pas du tout mauvaise figure, hein, sur les temps là de Barcelone, il est même devant en Kubica. Bon, encore une fois, c'est à relativiser, ça dépend de la charge en carburant, machin, du run dans lequel il était, des pneus, enfin, etc. Donc il est dans le coup, Petrov, ça on le savait. Il est devenu un espèce de pilote officiel russe maintenant, ça on le savait aussi, donc il a l'appui du gouvernement, les dirigeants russes se sont exprimés là-dessus, et la marque russe la plus connue, c'est Lada, donc bah, d'une manière ou d'une autre, il est évident qu'il y a des fonds gouvernementaux, entre guillemets, qui doivent soutenir Vitaly Petrov, donc on va retrouver, c'est le paradoxe, une écurie qui s'appelle encore Renault, mais on se demande tous un peu combien de temps, hein. Là aussi j'y vais carrément, et qui va porter les couleurs de Lada. Bon, là aussi c'est comme si Mercedes portait les couleurs de je ne sais quelle marque du groupe. Enfin, tu sais, maintenant il y a des regroupements, hein, chez tous les constructeurs mondiaux. Pourquoi aller chercher dans d'autres marques chez Mercedes? Tu vois, on revient à la compétition. Ouais. Je crois qu'ils ont 8 ou 9 marques dans le groupe. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Ben, Jean-Luc, pour compléter ce que tu disais très justement, les Lada Poc Oreca sur le Paris-Dakar, c'était formidable, hein. Souviens-toi de cette époque. Ouais. Et puis, dans le même esprit, l'arrivée de Chandok Karun, qui est le premier pilote indien, aussi vient un peu dans l'esprit de Petrov. On espère un Grand Prix d'Inde en 2011, tout comme on espère Bernie Ecclestone, un Grand Prix de Russie dans un laps de temps assez rapproché. Est-ce que c'est intéressant, Patrick, que tu rebondisses là-dessus. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu une règle de voir ces pilotes arriver qu'on n'attend pas forcément à leur place, c'est-à-dire au volant d'une Formule 1, pour des ouvertures de marché, des choses purement commerciales? Ça a été toujours plus ou moins la même chose. L'arrivée de Red Bull sur le territoire français a été aussi l'occasion de solliciter les meilleurs pilotes français du moment pour de la Formule 1 ou pour du WRC. Il faut être dans une situation effectivement de valorisation de marchandises, de produits, de nations. Si on n'y est pas, eh bien c'est très très difficile pour arriver à trouver sa place aujourd'hui, où on regarde beaucoup l'aspect marketing et l'aspect B2B. Alors, une petite question pour Antoine Arlot, qui avait tout à l'heure, en plus de sa combinaison qui arrivait avec Auto Hebdo, il commence à avoir chaud. Et ils font en plus dans la combinaison, déjà qu'il n'est pas épais, imagine, il va perdre deux tailles encore. On vient de parler donc de Renault, de l'arrivée de Petrov. Et moi, je voulais lancer un petit peu, parce que Patrick m'avait lancé sur cette piste avant cette émission, pour la préparation de cette émission, sur les rivalités au sein des équipes. Alors, je ne sais pas si tu as des informations, comment ça se passe entre Kubica et Petrov? Je sais pas comment ça se passe entre eux. Ce qui est certain, c'est que de toute façon en Formule 1, je crois que les deux pilotes d'une même équipe sont toujours forcément rivaux. Ils essayent toujours d'être l'un devant l'autre. Après, comment ça se passe entre deux, j'en ai aucune idée. On verra bien à Bahreïn, si on commencera déjà à voir un petit peu comment ils s'entendent. Mais c'est normal aussi qu'il y ait des rivalités entre deux pilotes d'une même équipe, je crois. Alors, est-ce que Patrick, toi qui as connu ça, est-ce que cette rivalité peut être saine? Et là, on pense notamment au sein de certains teams. Hein, par exemple, tiens, allez, Ferrari, Massa, Alonso, deux grands égaux. Ce sera formidable. Xavier, ce sera formidable. N'est-ce pas, Jean-Luc? Je crois que tout au long de la saison, on va avoir des duels de suprématie interne, de rivalité interne, de compétences techniques, extra-sportives. Rien que chez McLaren, Button, Hamilton, deux champions du monde. Jenson Button, qui est sous une pression médiatique de l'Angleterre pour faire ses classes et faire ses preuves par rapport à Lewis Hamilton, on le soupçonne d'être un petit peu moins rapide, moins véloce, mais il va vouloir en faire la démonstration du contraire. Il dit qu'il ne s'est jamais préparé comme il s'était préparé à cette année. Et puis, tu le demandais, Felipe Massa, Fernando Alonso. Alors, Fernando Alonso, c'est le rêve de sa vie que de courir pour le Ferrari. Il parle italien couramment, il y a énormément d'attaches. Et Felipe Massa, lui, c'est l'enfant de l'écurie. Donc, la rivalité, après son terrible accident, elle va être terriblement intéressante à suivre parce qu'il va avoir à cœur de prouver qu'il est encore de nouveau dans le coup et qu'il aura retrouvé sa forme. Et puis après, chez Mercedes, chez Mercedes, pas mal aussi, ouais. Nico Rosberg, vas-y, tu peux relancer mes camarades, mais ça va être absolument extraordinaire. Alors avant de relancer tes camarades qui sont les miens aussi, on va marquer une petite pause et puis on demandera bien évidemment son regard à Jean-Luc, voilà, sur ses rivalités au sein des mêmes équipes. Avant cela, c'est la petite pause et puis on se retrouve tout de suite pour la suite du JT de la F1. Il est 12h44, à tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Allez, il est 12h45, deuxième partie du journal de la F1 avant le journal. Allez, on a 15 petites minutes pour parler toujours en compagnie de Patrick Tambay, de Jean-Luc Roy et d'Antoine Arlot, de l'actualité de la Formule 1 à une semaine de l'ouverture de la saison. Ce sera à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Alors Jean-Luc, on venait de quitter Patrick hein, sur son analyse et les rivalités au sein d'une même équipe. Alors il a l'air de dire que ça va être une concurrence saine, si j'ai bien entendu, mais est-ce qu'elle va être aussi saine que ça avec quand même des garçons de tempérament dans certaines équipes? Oui, Xavier, ben bien sûr, saine et moustillante. Alors après, on verra si ça résiste à l'usure du temps et aux événements qui se produisent. Mais là aussi, je rebondis. Non, mais sincèrement, c'est pas pour survendre. Hein. On sait que sur AMC, on va être particulièrement bien armé, mieux armé que les autres. Allez, j'y vais carrément pour vous faire vivre cette saison de F1. Mais là, il y a vraiment le ferment, si tu veux. Le scénario est parfait au départ. Avec deux champions du monde, les deux derniers champions du monde en titre, au sein de la même équipe britannique de surcroît, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1. Donc Jenson Button, le champion 2009, face à Lewis Hamilton, le champion qui est dans son équipe l'année précédente, 2008, et lui qui avait connu des problèmes avec Alonso. On en parlait. Donc tu vois, il va falloir que ces deux jeunes britanniques, bon, qui a priori s'entendent vraiment très très bien, mais il y en a bien un qui va prendre le pas sur l'autre. Hein. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Donc, on va voir comment ça se passe. Et c'est là que ça va être intéressant de voir comment ça se passe, gérer les égos des garçons, voilà, qui ont le palmarès qui est le leur. C'est pas forcément toujours simple. Bah, écoute, on se rappelle dans le passé, hein, il y a eu particulièrement chez McLaren, parce que Ron Dennis, à qui, moi, une nouvelle fois, je rends hommage, avait fait cohabiter des champions d'un calibre absolument incroyable, et que ce soit bah, Alain Prost et Niki Lauda, enfin, et évidemment, Ayrton Senna et Alain Prost par la suite, eh bien, il les a laissés se débrouiller sur la piste, il a fait au mieux, ça a tenu ce que ça a tenu. On va voir combien de temps ça tient, entre guillemets, dans le bon esprit, hein, entre Jenson Button, le tout nouveau titré champion du monde britannique, et puis Lewis Hamilton qui est chez lui, chez McLaren. Donc ça va être chaud, ça va peut-être pas être si simple qu'on le croit, mais ça va être compliqué. Alors après, Patrick a évidemment parlé de Ferrari. Alonso, c'était le rêve de sa vie de pilote. Il l'a dit, ça y est, il y est. Il se sent déjà comme chez lui. Il parle italien, il a mis tout le monde dans son dos, mais Felipe Massa, le Brésilien, c'est vraiment lui, on l'a fait grandir hein, chez Ferrari. C'est vraiment, on lui a permis de s'épanouir. Il y a eu cette interruption terrible de trajectoire, mais il revient en pleine forme. On l'a vu lors des essais. Il est extrêmement rapide, comme avant, troisième temps des essais de Barcelone. Donc tout est là, tu vois, je m'enthousiasme. Et puis j'en viens à Mercedes, parce que là, Nico Rosberg, qui arrivait un peu en terrain conquis en disant « Ouais, super, je signe avec Mercedes, moi, pilote allemand, c'est génial. » Et puis, il voit arriver à côté de lui, rien moins que Michael Schumacher. 7 fois champion du monde. Alors là, moi, je réserve mon jugement, tu vois. Au départ, si, parce qu'on le connaît, le Nico, il est adorable, mais il a peut-être pas forcément tout à fait bien vu l'arrivée de quelqu'un qui écrase le championnat du monde, même, hein, complètement. Il y en a que pour lui. Alors, est-ce que ça va être, au contraire, justement, moins de charges médiatiques, il va faire son boulot, il va profiter de l'expérience de Schumacher, ou bien est-ce qu'au bout d'un moment, quand il va voir que, peut-être, tout est dévolu à Schumacher, il va en concevoir quelques aigreurs. Voilà une des questions à se poser. Ben voilà, ben je vais la poser à Patrick, justement, qui a connu, hein, tout ça. Patrick, voilà, Rosberg, lui, il arrivait comme pilote numéro 1, très vraisemblablement. Et puis, effectivement, comme le souligne Jean-Luc, Schumacher arrive et il est carrément relégué numéro 2. Comment ça se gère, ça? Chez Williams, où il a fait quelques éclats, mais où il a pas démontré qu'il était capable sur peut-être la durée d'un Grand Prix, la durée technique de préparation d'un Grand Prix, d'avoir tout en ordre. Là, au contact de Michael Schumacher, il va probablement monter d'un niveau sur le métier, sur l'expérience, sur la connaissance de la gestion d'un week-end de Grand Prix, de la durée d'un championnat. Il va falloir être très très constant, très fiable dès le départ, marquer des points intelligemment, gérer ses pneumatiques. Et au contact de Michael Schumacher, très certainement que Nico Rosberg va apprendre beaucoup. Donc c'est peut-être, il sera peut-être dominé cette saison, mais dans le temps, il a l'âge pour lui. Michael Schumacher, 41 ans, Nico Rosberg de 10 ans, son cadet, donc il a encore tout le temps pour lui. Mais il y a encore d'autres équipes où il y a énormément d'expérience et aussi de jeunesse. C'est l'équipe Williams qui a fait des très très bons essais avec l'arrivée du nouveau moteur Cosworth et qui pourrait créer la surprise. Mais il faut surtout pas non plus oublier l'équipe Red Bull Racing avec Sébastien Vettel et Mark Webber. Alors là aussi, on a deux garçons très complémentaires qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont raté le championnat du monde de l'année dernière pour Sébastien Vettel de très très peu, qui était blessé en début de saison pour Mark Webber, mais qui cette année est encore plus en forme physiquement. Donc là encore, la concurrence va être très constructive, très positive par rapport aux autres. Donc voilà, tout plein d'éléments qui nous permettent de nous enthousiasmer. Eh ben j'entends ça, que tu t'enthousiasmes tout comme Jean-Luc. Antoine aussi doit s'enthousiasmer là à l'approche de cette saison. À une petite question pour Antoine, il y a Ross Brawn qui a déclaré qu'il visait, il se voyait bien gagner d'ailleurs à Sakhir. Un commentaire là-dessus. Rosberg a dit aussi il y a quelques semaines que il se voyait gagner pour le premier Grand Prix. Mais moi je trouve que Mercedes, je suis assez d'accord avec Patrick. Je pense que le duo Schumacher-Rosberg, ça peut quand même être quelque chose de très prometteur, parce qu'il y a la jeunesse de Rosberg qui a 24 ans. Il y a évidemment l'incroyable talent de Schumacher. Je pense que ça peut être au contraire un duo très complémentaire, et que Rosberg va beaucoup apprendre de Schumacher, et ça peut lui permettre effectivement d'être là très vite dans la saison. Oui. La question que posait Jean-Luc tout à l'heure, hein, c'est est-ce que Rosberg va pouvoir bénéficier de tous les avantages dont va bénéficier Michael Schumacher ? Lui, on est persuadé. Bon, c'est ce qu'il nous disait sur RMC il y a quelques semaines, en fin janvier. Et lui disait que là-dessus, il n'y avait aucun problème. Il avait rencontré Ross Brawn longuement, qui lui avait assuré qu'il n'y aurait aucune différence. Et donc voilà, pour lui en tout cas, c'est très clair. Ross Brawn avait dit la même chose à Barrichello. Ouais, mais il savait à qui il parlait. Barrichello, il a toujours été dans l'ombre de Michael Schumacher. Donc Ross Brawn avait dû se dire à l'époque, bon, bah, il est habitué, on va lui dire ça passera bien, quoi. Et est-ce que c'était bien passé d'ailleurs ? Pas terrible. Mais pas mal quand même. Rubens Barrichello fait une très très belle carrière chez Ferrari. Il a été très intellectuellement honnête, puisqu'il n'a jamais révélé. Il a fait quelques petites allusions de temps en temps sur les instructions et les ordres qu'il avait parfois reçus. Mais il est évident que c'était la politique pour gagner de Ferrari. Et je suis absolument certain que Ross Brawn va probablement appliquer les mêmes stratégies et la même politique chez Mercedes. Bon, on va parler un petit peu technique, messieurs, si vous le voulez bien, avec une petite polémique qui est née là tout récemment, avec une histoire d'aileron, puisque l'aileron arrière de McLaren-Mercedes a été mise en cause par Christian Horner, le team manager de Red Bull Racing, puisqu'il y a une petite fente qui a été observée sur la MP4-25. Alors, que s'est-il passé ? La FIA enfin chez McLaren, on a invité la FIA à venir diagnostiquer justement ce fameux aileron. Et si c'est validé, apparemment, ça va faire des émules. Oui, bah, c'est validé par Charlie Whiting tout au long de la préparation hivernale. Je crois qu'on va voir énormément de nouveautés que l'on n'a pas encore vues à Barcelone ni durant les tests précédents apparaître à Bahreïn. Il va y avoir peut-être certaines contestations ou certaines manières de d'apprécier, d'interpréter la manière dont la FIA a accordé l'autorisation et a validé les différentes solutions techniques qui seront présentées. On va en discuter, on va probablement argumenter, mais souvenez-vous de la polémique, entre guillemets, du diffuseur de l'an dernier. Ça a été très très rapidement désamorcé. À partir du moment où la FIA, aujourd'hui pilotée et présidée par Jean Todt et son directeur technique et sportif Charlie Whiting auront validé tous ces éléments-là précédemment, je pense qu'ils auront toutes les chances de passer le test des vérifications techniques. Jean-Luc, le fait que Christian Horner de Red Bull Racing sorte ça maintenant, c'est quoi? C'est un petit coup de pression avant le premier Grand Prix de la saison? Ah, ben ça fait partie du jeu, oui, c'est évident. Là, comme beaucoup d'écuries l'ont dit, on n'a pas tout montré, on en a gardé un petit peu pour Shakir. C'est pour ça que ce sera tellement intéressant dès vendredi et surtout les qualifs de voir déjà en termes de performance absolue qui a trouvé la meilleure solution. Oui, c'est le petit coup de griffe au dernier moment en disant ça me paraît pas très normal, on demande une vérification. Bon, c'est évident que entre guillemets un coup du lapin qui sort du chapeau comme le double diffuseur, ça paraît difficile, mais sait-on jamais, hein. Les ingénieurs interprètent tellement intelligemment le règlement. On va voir il faut attendre Bahreïn. Maintenant, l'échelle de performance, on a beaucoup insisté là-dessus, est tellement serrée. On y croit moins cette année parce qu'encore une fois, les évolutions aérodynamiques et techniques sont infiniment réduites en 2010 par rapport à 2009, qu'elles ne l'étaient 2009 par rapport à 2008, bien sûr. Alors justement, puis, Xavier, ouais. Je crois que l'élément essentiel dans ces premières courses, ce sera vraiment d'arriver à être capable d'avoir les bons réglages très rapidement, de s'adapter aux différents circuits afin de préserver les pneumatiques, afin de faire durer les deux types de gommes qui sont à disposition et qui sont obligatoirement utilisés durant le Grand Prix, de partir avec 160 kg d'essence, avec un plein, avec l'interdiction de ravitailler, sauf pour les pneumatiques. Je crois que c'est là le grand problème qu'il va y avoir à gérer et à anticiper. Ça veut dire quoi, Antoine? Ça veut dire que stratégiquement, on repart de zéro justement avec ces nouvelles réglementations? En tout cas, il y a forcément des. J'imagine qu'ils ont tout repensé, etc. On a vu que pour les arrêts au stand pour les changements de pneumatiques, ils ont fait moins de 3 secondes. Enfin, il y a des choses comme ça, des nouvelles choses qui ont été expérimentées par les écuries. Et c'est certain que ça va être très différent entre les qualifs où on va partir plutôt léger en essence, et puis on va arriver sur la course où on va être plein à craquer. Donc les monoplaces vont être plus lourdes. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça à régler. Et pour ça, Bahreïn sera certainement. Il y aura plein de choses à apprendre de Bahreïn des premières courses pour voir un petit peu comment ça se passe. Jean-Luc, au-delà de la compétition elle-même sur la piste, hein, et puis les prouesses des pilotes, c'est vrai que ça va être très intéressant de voir les différentes stratégies des uns et des autres. Ben oui, et puis l'aspect fiabilité, hein, on insiste lourdement là-dessus. Alors là aussi, si on prend le cumul des kilomètres parcourus en essai, donc les 4 séances, Valencia, Jerez 1 et 2 et Barcelone, on voit que c'est Ferrari qui a le plus roulé, plus de 7100 km. Williams a roulé 6600 km à peu près. Mercedes est au troisième rang et c'est pas une surprise, hein. Ceux qui ont le moins roulé, ce sont les deux nouvelles écuries, Lotus et Virgin. Donc la réponse est dans la question. Au plan des pilotes, on retrouve à peu près la même chose, hein, puisque Massa et Alonso sont dans les trois premiers. Bref, en un mot comme en mille, fiabilité, exploitation des pneumatiques avant qui sont plus étroites l'an dernier, et puis gestion de l'ensemble de la course, comme l'a dit Antoine, on va mettre moins de 3 secondes au stand. Bref, c'est fabuleux, nous on est excités comme des puces. Voilà. J'entends ça. Et puis Xavier, il y a 19 Grands Prix, 19 rendez-vous, il faudra être là à chaque fois. Allez Antoine, le dernier mot. Un petit teasing quand même pour le week-end prochain parce que ça reprend. On sera donc en direct du garage Renault pour les qualifs comme on l'avait fait quelques fois l'année dernière. Et puis on aura Eric Boullier pour les premiers experts F1 dans le Moscato Show jeudi vers 18h20 qui sera l'invité des experts donc jeudi. Eric Boullier, nouveau patron de Renault. Et voilà, et puis dimanche bien évidemment sur RMC, le Grand Prix à vivre en direct en compagnie de Jean-Luc Roy, de Patrick Tambay et de vous-même, cher Antoine. Merci messieurs d'avoir été là. C'est déjà la fin du journal de la F1. Il est 12h58. suite, mais on se retrouve juste après le journal pour la suite de Motors. À tout de suite, restez bien à l'écoute d'RMC. RMC Motors avec Motors TV.